demande pas la lune, j't'ai assez pardonné. Dans ma vie j'ai rien fait de mal à pardonner. Je me suis retrouvée en face d'un visage masqué. C'est difficile pour moi, je ne sais pas qui j'aimais. Oh, et dans ton âme et dans ton cœur, tu ne sais pas où t'en es. Oh, et dans mon âme et dans mon cœur, si seulement tu savais. Et je lance des SOS, SOS. T'as trouvé ma bouteille à la mer. Je t'ai appelé SOS, SOS. Mais tu m'as laissé dans la merde. Je me suis jamais sentie aussi seule qu'avec toi. L'ai-je oublié cet amour qu'on vivait autrefois. J'en veux au monde entier, mais le problème c'est moi. J'emmerde les cours de maths, mon vrai problème c'est toi. Oh, oh, oh. Et dans ton âme, et dans ton cœur, tu ne sais pas où t'en es. Et dans mon âme, et dans mon cœur, si seulement tu savais. Je lance des SOS, SOS. T'as trouvé ma beauté à la mer. Je t'ai appelé SOS, SOS. Tu m'as laissé dans la mer. Et dans mon cœur, si seulement tu savais. Et j'ai